Les éditions de l'avenir présentent Les arènes d'Aubioche. Une aventure de Mazas Pavel, roman fanique d'André Bory, paru à l'origine dans Basis hors série, numéro 9. Aldor dans le rôle de Rick Pavel, Christophe dans le rôle de Thiromont et Christian Martin à la narration. Chapitre 5, sixième partie. Rick Pavel et le franc-passeur Thiromont avaient été associés pour affronter l'hydre de talent. Au cours des jours écoulés, le mercenaire avait fini par éprouver quelques sympathies pour le petit homme pleurnicheur et un peu couard, mais qui avait su maîtriser sa peur et même faire preuve de courage au fur et à mesure que s'approchait l'heure de l'épreuve. Pourtant, il connaissait son terrible adversaire et savait que ses chances de s'en tirer indemne étaient plus que minimes. Les deux hommes s'avancèrent au centre de l'arène après que le Carsacien ait donné une petite tape d'encouragement sur l'épaule de son compagnon qui lui répondit d'un clin d'œil. Fermement campés sur leurs jambes, ils purent assister à l'arrivée du monstre qu'ils devraient combattre et vaincre pour poursuivre leur existence. Avec un dandinement qui aurait pu prêter à rire de la part d'un animal plus petit et moins impressionnant, un être cauchemardesque fit son apparition. Un corps en forme de barrique se déplaçant sur six pattes et emmanché de trois longs coups flexibles surmontés de têtes ophidiennes à la gueule ornée de deux crocs à venin. Une queue musculeuse terminée par une pointe osseuse bifide complétait cette figure d'épouvante. Un frisson glacial parcourut les chaînes du mercenaire. Il eut une pensée nostalgique pour son bon vieux radiant qui lui semblait beaucoup plus approprié que son épée et son bouclier pour une confrontation avec un tel adversaire. « Évite, à tout prix, le contact avec ces crocs, car ils sécrètent un acide qui brûle atrocement !» lui souffla le franc-passeur. « Plus facile à dire qu'à faire, d'autant que cette sale bête possède trois têtes, alors que nous ne sommes que deux. » Les deux apprentis gladiateurs avaient longuement discuté de la tactique à employer pour combattre l'animal, ils avaient décidé de se placer autant que possible dos à dos afin de se couvrir mutuellement. Quant à savoir si un seul homme pourrait soutenir l'attaque simultanée de deux des têtes de l'hydre, seul l'avenir le leur dirait. Le silence était retombé parmi l'assistance qui observait avec attention l'approche décidée du monstre tricéphale. Sans le moindre signe d'hésitation, la bête d'Apocalypse se précipita sur Rick et Thiromont, qui s'étaient positionnés de biais, prêts à se coller dos à dos si la menace constituée par une attaque des trois têtes en même temps le justifiait. Mais, avec une sorte de désinvolture, l'animal n'engagea que l'un de ses coups, dressant les deux autres haut vers le ciel, comme pour observer les débats. La tête plate à la gueule grande ouverte s'abattit soudain avec violence sur le bouclier du franc-passeur qui faillit s'écrouler sous le choc. Cependant, dans le même temps, l'épée de Rick décrivit une courbe et portant un coup en billet sur le museau ainsi exposé. Une des narines éclata, libérant un petit geyser de sang verdâtre. Le monstre redressa subitement sa tête blessée au niveau des deux autres et, pendant un court instant, le Carsacien eut vraiment l'impression qu'elles conféraient entre elles. C'est alors que Thiromont passa à l'attaque. Le petit homme reprit son équilibre et se jeta en avant, fauchant l'air de son arme. Il atteignit une des pattes à hauteur de l'articulation du genou. L'hydre recula précipitamment de quelques pas. « Bien joué !» lança le mercenaire à son compagnon qui avait aussitôt repris sa place. « Ouais !» Mais cette seule bête va se méfier à présent, et cela va devenir plus difficile de la toucher. Grommela l'ex-capitaine du Zulgar 19. Sans doute. Toutefois, sa patte abîmée va l'handicaper un peu dans ses mouvements. N'oublie pas qu'il lui en reste 5 en bon état. Ah bah joie.